Disons, frère Branham, qui commente la promesse ici d'Apocalypse 1, verset 7. Oh, comme nous aimons lire frère Branham dans le sermon La Révélation, Apocalypse chapitre 1er. Vous voyez? Alors, il dit ceci à partir du paragraphe 354 jusqu'au paragraphe 359. La Révélation se prêchait le 4 décembre 1960. Paragraphe 354. À 309, écoutez. Il est. Bon, on tourne le voile pendant quelques minutes maintenant. Est-ce que c'est disposé? Parce que le voile religieux, dominationnel, cette interprétation des procédés, qui essaye de brouiller ta compréhension. Mais ce voile sauf. Oui, on tourne le voile ensemble. On tourne le voile pendant quelques minutes. Maintenant, avec l'aide du Seigneur. Ôtons le voile de nos yeux. Et prenons. Il commence à lire Apocalypse 1, verset 7. Et voici, il vient avec les nuées. Êtes-vous là? Voici, il vient avec les nuées. Alors, comment vient-il? Avec les nuées. Alors il pose la question. Quelle sorte de nuées? Des nuées de gloire. Non pas des nuages d'orage. Ou des nuages de pluie. Les nuées dont Apocalypse 1 verset 7 parle, ce sont les nuées de gloire. Autant les voiles, s'il vous plaît. Et ce sont les nuées de gloire et non pas les nuages d'orage. Ou des nuages de pluie. Mais des nuées de gloire. Et si vous voulez savoir de quel genre de nuées il était enveloppé quand Pierre et les autres ont vu sa vision sur la montagne des transfigurations. Il était enveloppé d'une nuit pour dire la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Mais quand il est venu la première fois, il n'était pas venu comme ça. Mais c'est pendant qu'il répandait que cette nuée l'enveloppait aux yeux de ses disciples. Mais avant que cet événement n'ait eu lieu, il avait pris trois témoins, Pierre, Jacques et Jean. Il les a amenés sur une très haute montagne que l'on appelle habituellement la montagne des transfigurations. Là où il fut transfiguré. Et ils ont cet événement où une nuée l'enveloppée a eu lieu, non pas au moment de sa première venue, mais c'était pendant l'exercice de son ministère. Et pratiquement vers la fin de son ministère terrestre. Et cela est annoncé comme un signe de l'avènement du Fils de l'homme dans sa puissance. Il avait dit, je vous dis en vérité, quelques-uns d'entre vous qui êtes ici ne mourront point, qui n'aient vu venir le Fils de l'homme dans sa puissance. Et avec une grande gloire. Et quelques jours après ça, il est amené à la montagne et la nuée. Il est apparu pour l'envelopper. Et il Mais quand ils sont descendus de la montagne, Jésus a strictement interdit à ses disciples de parler de quoi? De cette vision-là. Il a appelé sa vision. C'était une vision, une apparition. Alors, au moment où il retournait au ciel, ce n'était pas une vision. Là, c'était une réalité. Il était avec le Christ. La puissance commençait à l'enlever sous les yeux. Il est parti. La nuée l'a dérobé à leurs yeux. Les disciples continuaient avec les yeux naturels. Et des gens sont intervenus pour interpeller. Et la même chose va se reproduire quand Jésus reviendra à sa seconde venue avec des nuées. Écoutez ce qu'il dit alors. Il dit, j'arrive déjà au paragraphe 306. Et nous allons y arriver dans ces aspects de l'Église. Je vous assure, rien que d'y penser transporte vraiment. Quand vous y pensez, mais ce que vous avez comme un malin, il n'a pas l'air, somnolé, n'a pas connu les caillas, vous voyez que là, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Mais rien que d'y penser, ça transporte vraiment. Vraiment mon être intérieur de joie. Toi aussi, ce genre de méditation, ce genre de précision, de détails qu'on entend ici, qu'il vient, je vois ce jour dans lequel nous vivons, où il ne reste plus rien, pas d'espérance si ce n'est sa venue. Imaginez maintenant quand quelqu'un veut te dire que Jésus là, il est déjà venu. Donc, il était pris, il vient te ravir même le reste d'espérance que tu pouvais avoir. Donc, le col à taille, mon kilo n'a mis que tout ça, il n'a pas guère à l'est, de Banyamulenge, et tout ce tralala. Donc, il est sur ça, il est donc. L'Ikamoroli, il est sur. Vous voyez vraiment la méchanceté? Où est-ce qu'on veut nous amener vraiment? La seule espérance qui nous reste, c'est la venue du Seigneur. Aussi il y a aussi invité, au même qu'on est invité, au même qu'on est invité, complications, mais au moins il y a quelque chose qui te reste. Amen. Jésus revient. Amen. C'est l'unique espérance qui nous reste. Ne permettez à personne de vous confisquer ça. Amen. Aussi que la phase d'espérance. Aussi que les gars, ah bon, nous aussi que les bons, lui, il y a un bon goût d'ailleurs. Donc il n'y a rien d'autre à espérer. Mon Dieu. Frère Branham dit que l'unique espérance qui nous reste. Alors il dit, abordons cela rapidement maintenant. Alors, souvenez-vous de ceci. Tout œil le verra. Quand il parle d'Apocalypse 1, verset 7. Tout œil le verra. Maintenant, ce n'était donc pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Apocalypse 1, 7. Là où il est dit, tout œil le verra. Ce n'était pas l'enlèvement. Apocalypse 1, 7 ne parle pas de l'enlèvement. On voit les voiles. Pendant quelques minutes. Parce que l'écriture précise que tout œil le verra. Au moment de l'enlèvement, il vient comme un voleur. Le voleur, ce n'est pas tout le monde qui le voit. Il opère, il disparaît, il est parti. Amen. Amen. Amen. Alors, le premier, le bien, c'est juste nous, ce que nous avons dit. Nous attendons notre bonheur sur la main. Nous Au moment de l'enlèvement, il n'y a que ceux de l'épouse qui seront prêts. Qui le verra et partiront avec lui. Maintenant, l'événement ici, la seconde venue de Jésus-Christ, avec les nuées, ce sera en Israël, sur la montagne des Oliviers. Et ça se fera après l'enlèvement, pas avant l'enlèvement de l'Église. Amen, amen. Parce qu'il doit venir fouler la montagne des Oliviers. Amen. Et Jésus ne peut pas fouler la terre ici avant que l'église ne soit d'abord enlevée. Amen. Amen. Que l'église soit d'abord enlevée. Amen. Et que le festin de notre ciel prenne fin d'abord. Amen. Amen. C'est alors qu'il est venu ici. Alors, de quoi parlait-il? Après le verset 7 ici. Il dit que ce n'était pas l'enlèvement. Il a dit que ce n'était pas l'enlèvement. Alors, de quoi parlait-il ici dans Apocalypse 1, 7? Réponse de la seconde venue. Voilà. Il ne parle pas de l'enlèvement d'Apocalypse 1, 7. Le Tout-Puissant qui vient là, ça c'est de la seconde venue qu'il s'agit. C'est ici qu'il faut ôter les voiles. On n'a pas le temps de détailler, mais... Prenant me dit qu'au moment de l'enlèvement, ce n'est pas trop lui Jésus qui vient, mais c'est l'Église qui va vers lui, à sa rencontre dans les airs. Donc il ne vient pas vers nous sur terre, comme il était venu la première fois jusque sur terre. Il ne peut pas fouler sur terre ici, pour que l'Église aille à sa rencontre dans les airs. Après bouger comme que, à Télémini, attendez ici, il va après, maquille. Maintenant, ma cambo ya nué, a koyati na montagne, yaba Olivier, Gomba Bilaya. Là d'où il était parti de la terre là. Il viendra comme Zacharie 14 a dit, on l'a lu ici dimanche écoulé. Il, quand il va poser seulement les pieds sur la montagne, il y aura un tremblement de terre. La montagne va se fissurer. C'est déjà prévu, tous les détails. Le gouvernement a dit que les gens ne connaissent pas les gens qui ont été mis en place. Ils ont été mis en place pour que les gens ne connaissent pas les gens qui ont été mis en place. Parce que les gens ne connaissent pas les gens qui ont été mis en place. Donc, ce sera sa seconde venue sur terre. Mais même ceux qui l'ont percé, vous voyez ce qu'il dit, tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé lors de sa seconde venue là, sur terre, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Par exemple, prophète 9. Bon, revenons en arrière et prenons un peu l'histoire. On va relier cette révélation à quoi dans la Bible? Revenons à Zacharie. Et prenons le chapitre 12 de Zacharie. N'est-ce pas vrai? Or, dans Zacharie, nous avons lu ce que nous avons lu. Pour introduire la prédication à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Zacharie, Zacharie, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, Totanga, quand on peut pas répandre l'esprit de grâce et de supplication sur les Israël. Et le deuil sera grand à Jérusalem. Et ils se lamenteront. Écoutez maintenant ceci. Au paragraphe 368 de la même prédication, d'abord la révélation. 368 à 369. Observez pour terminer ce que dit l'écriture ici. Voici, il vient avec le nuée. Et tout œil le verra. Bon, commentaire entre parenthèses. Il parle de la seconde venue, pas de l'enlèvement. Et il ajoute, même ceux qui l'ont péché. Il dit le chapitre 7, verset 1. Ou plutôt, le chapitre 1, verset 7. Tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Êtes-vous là? Maintenant, relions ça avec Zacharie chapitre 14, chapitre 12. Voyons ce que Dieu promet là-bas. Zacharie 12. Verset 10 à 14. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. C'est précis. Vous allez la siki. N'a pas de colo dans d'accord na David. Pas de colo na bavandi na Jérusalem. À nouveau, c'est Jérusalem qui est pointé. La capitale d'Israël. Un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. Amen. C'est lui qu'ils ont prêché. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui. Comme on pleure sur un premier-né. Dieu dit qu'il va répandre son esprit de grâce et de supplication sur les habitants de Jérusalem. Et ils pleureront sur lui. Et ils tourneront leur regard vers lui. C'est lui qu'ils ont. Dans Apocalypse 1, verset 7, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Mais dans Zacharie 12, verset 10, Dieu répare l'esprit de grâce et de supplication sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem. Où est-ce que Jésus-Christ a été crucifié? Où est-ce qu'ils ont percé son côté? Avec la lance romaine. N'est-ce pas près de Jérusalem? À la porte d'entrée de Jérusalem. Jean 19 dit, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Donc juste en heure de la porte. Soit disant pour ne pas fuir la ville sainte. Avec le sang d'un criminel comme Jésus. Ouais, il a porté ce titre de criminel à cause de nos crimes à nous. Ce sont tes crimes à toi. Je n'ai pas honte de l'appeler criminel. Parce qu'il a porté nos crimes. Il a porté le péché dans son corps, dans sa chair. Il a porté l'iniquité des habitants du monde entier. Et on l'a crucifié là. Et le sang de ce criminel ne devait pas oublier la ville sainte de Jérusalem. C'est pour ça qu'on l'a sorti en dehors de la porte. Et ils l'ont crucifié là, près de Jérusalem. C'est vrai. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est au même endroit que les deux prophètes d'Apocalypse 11 sont aussi mentionnés. Leur immolation, leur sacrifice, ce sera là. Là où leur Seigneur avait été quoi? Crucifié. Alors il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qui les soit passé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un physique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un prémené. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Mais or, le mot là, vallée de Megiddon, il correspond à ce que la Bible s'est appelée Armageddon. Après référence au même site. La vallée de Megiddon et l'Armageddon. Mais seulement ici, il y a un événement qui doit s'y accomplir avant la guerre d'Armageddon. Ce qu'Israël pleurera, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ils pleureront amèrement sur celui qui a été pris à Golgotha. Il viendra avec les nuées, mais il leur présentera son main. C'est là qu'ils vont se ressaisir pour dire, eh, quoi? Quand nous avons vu les nuées de gloire, ah, mais ça c'est le Dieu de Moïse. Ah, c'est pas le Dieu d'Israël. On l'a revu encore sur scène. Il descend sur la montagne des Oliviers. Ah, comme il descendait sur le mont Sinaï autrefois. Mais attention. Quand apparaîtra physiquement celui qui sera à l'intérieur de ces nuées, et qu'ils le verront, ils verront son corps, il va soulever les mains. Et quand il présentera les cicatrices des clous, les clous romains, alors le deuil sera grand. Tu veux dire quoi? Ce foutard-là, ce criminel qu'on avait tué, c'était notre Dieu à nous. Donc c'est toi. Quel péché n'avons-nous pas commis nous? Voilà d'où partira le deuil. Ils vont se rendre compte qu'ils sont coupables, les plus coupables des humains qui soient. Que ce qu'ils avaient fait à Golgotha, ils l'avaient fait contre les dieux même sans le savoir. Dans Zacharie 13, il y a même un détail prophétique qui apparaît. Zacharie 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Celui-là qui va apparaître dans les lignes de gloire. Israël reconnaîtra sans effort comme étant le Dieu d'Israël. Le retour aux alliances avec Moïse. Chers amis, et Moïse lui-même sera là parmi eux, il leur aura prêché pendant 3 ans et demi. 40 mois, comme on l'a vu dimanche. C'est à la fin de leur ministère que cet événement va s'accomplir. Et avant la bataille d'Armageddon. Écoutez, On va lui demander, mais ces blessures ici, ça vient d'où? D'où te viennent ces plaies? Il va leur répondre, c'est dans la maison de ceux qui aimaient Jéhovah. C'est là même qui déclarait partout qu'ils aimaient Jéhovah, Dieu créateur. Ils se sentiront aussitôt blessés en leur propre intérieur. Il s'agit de nous, c'est donc nous qui avons fait ça à notre Dieu. Vous savez, frère, frère, nous sommes foutus. Oh, tu me dis ça. Maintenant, le voilà avec toute cette puissance. Qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Il peut nous décimer. Nous ne méritons pas la vie. C'est nous qui avons fait tout ça. Vous savez, maintenant, le voilà. C'est lui. C'est vraiment lui. Et il sort le plaid. C'est lui. Voyez ce qui est arrivé à Saul de Tarse. En tant qu'individuel, quand Saul l'a vu, il est tombé de son cheval. Il a pleuré son peuple. Parce qu'il a entendu dire à partir de la colonne de feu là-bas, répondant à sa question, qui es-tu Seigneur? Contre toute attente, alors que vous ne pouvez pas imaginer. La réponse était claire, je suis Jésus que tu persécutes. Mon Dieu, moi je suis zélé pour Jéhovah, Dieu d'Israël. Je combat pour lui. Mais voilà que la chose que je combat, il dit, il apparaît dans la forme du Dieu de Moïse, la colonne de feu. Mais il est venu, il est le même Jésus que moi, je combats. Il était presque le mort. L'expérience de repentance caille Paul ce jour-là. C'est le même genre d'expérience de repentance que Dieu donnera à la nation d'Israël bientôt. Amen. Et l'Écriture précise qu'ils pleureront amèrement. Vous voyez la sincérité de la repentance? Regardez dans nos églises aujourd'hui. Les gens qui parlent toujours de baptême. Et toi, et formaliste. Un prédicateur excité va prêcher là-bas. Après, il va demander, qui veut donner sa vie au Seigneur? Moi. Et les gens s'amènent là-bas. Mais il est tout sec, comme des poules mouillées, il croit qu'il est prêt à acheter dans l'hôtel, et l'après-midi même, on les amène aux autres. Où est le sérieux? Aucune repentance, ni rien. On veut seulement remplir l'église. Oh, nous avons baptisé encore 15. Dimanche, il y a après. Est-ce que c'est comme ça? En allant plonger dans l'eau des gens sans repentance, des imprévidents. C'est ça que Dieu vient ajouter à l'église. Vraiment. Comment on peut tout détruire de l'évangile? Soyons gentils, s'il vous plaît. Ces gens-là à Jérusalem, quand Dieu répandait l'Esprit de Dieu, esprit de grâce véritable et de supplication, ils pleureront amèrement. La vraie repentance sur le Fils unique de Dieu. Avant que cela ne soit donné à Israël la nation. Cela est déjà donné à l'Église maintenant. Amen. Vous voulez le Saint-Esprit véritable? Mais il n'habitera pas dans un cœur impénitent. Il n'y viendra jamais. Avec votre religion froide et formaliste, aucune sincérité, aucune profondeur, vous aimez les cultes secs, et vous demandez le Saint-Esprit, voilà la chose qu'il promet à Israël. C'est ce qui est déjà donné à l'église. Il faut un cœur vivement touché. Profondément brisé, blessé. Très sincère. Dieu honore les personnes sincères. C'est ce qui nous manque ici. Nous sommes trop habitués avec les sociétés. Trop habitués avec l'évangile. Trop habitués avec les serviteurs de Dieu. Trop habitués avec les frères. Trop habitués avec l'église. Il n'y a plus de pleurs amères. Vous êtes tellement que je vous dis vrai. Toi, regarde dans ta vie spirituelle. Il y a combien de temps que tu as pleuré amèrement devant Dieu? À quoi on est des fils de Dieu crucifiés? Qui a fait un sorcier pour son âme? Quand est-ce que tu as pleuré amèrement sur lui? Parce qu'il est le sauveur unique du monde. C'est lui qui est prédestiné pour que tu sois sauvé. Lui qui est prédestiné pour que tu sois sauvé. Mais regarde comment vous le traitez. Vous les ramenez à la croix une seconde fois. Le mal que vous savez être mal, vous ne voulez pas l'abandonner. Vous continuez à les prêter. Il y a longtemps que tu sais que le copinage est mal, mais tu y es toujours dedans. Voilà. Aujourd'hui. Judas l'a trahi au moins un jour, mais toi tu l'as trahi, toi tu le vis. Judas a coupé. Le traître est pire que Judas. Judas a coupé sa lèvre ma belle mon père mon quoi. Moi j'allais pas sa lèvre mon père mon père mon quoi. Judas a trahi une nuit, les jours suivants qu'il s'en est rendu compte, il est allé même se suicider. Mais toi tu pêches et tu répètes le péché dans les soucis totales. Et tu dis à Dieu avec des prières mécaniques. Ah Dieu, aie pitié de moi, je ne suis qu'un humain. Voilà ce que nous faisons. Expérimenter la réelle repentance. Et c'est lui de sa probabilité comique la présence. Voyant les conclusions immédiates de sa trahison. Pas pour nous, mais ma paix, c'est la question. Et sachant qu'il était déchu de la grâce. Et c'est la question de quoi il s'appelait. Il ne pouvait jamais être pardonné. Et c'est pour qui ça connu de sa matière. Il est allé se suicider. A qui en a dit de comédien de caca. Mais toi, tu continues à éprouver le plaisir dans le péché. Tu trahis Jésus lundi, mardi, tu vas pour éprouver une autre aventure, mercredi, tu vas dire un mensonge, et sous diamant, on va lui dire encore. Les gens disent les mensonges, même à l'église, à l'occasion de la réception. À l'église même. L'église même. On devient menteur. Pourquoi tu me poses? On donne des mensonges comme aussi. Vous allez confesser à l'écoute à l'école. Vous voyez jusqu'à quel point nous sommes devenus des grands traîtres. Que le Saint Esprit de Dieu s'est éloigné de nos cœurs. On criaille, mais il n'y a rien. Tout simplement parce que la traîtrise a atteint un niveau très élevé. Et l'hypocrisie est devenue le mot de Dieu. Les gens sont des menteurs, des hypocrites dans les églises. Ils ne veulent pas se répandre. Ils ne veulent pas réparer leurs péchés. Ils vivent avec leurs péchés. Mais Jésus a versé son sang pour que vous soyez saints. Autre chose que vous diluez, la mort du Fils de Dieu que vous minimisez, Israël en saura la valeur quand Dieu répandra l'esprit de grâce et de supplication sur cette nation-là. Il n'y a pas de question, comment on a pas de Il est clairement écrit qu'ils pleureront amèrement. De la même manière qu'on pleure sur un fils unique, l'unique fils qu'on avait mais qui est mort. Comment on les pleure? On les pleure comme un désespéré. Il n'a plus rien d'autre. Il sera prêt à se foutre de tout. Parce qu'il a perdu tout ce que vous pouvez faire comme ça. Le Fils de Dieu crucifié et toi dans l'indifférence. L'officinique de Dieu a versé son sang pour ton âme. Et toi, tu vis dans la complaisance du péché. Tu prétends même que tu n'as pas la force de vaincre l'impudicité, de te séparer avec les copains, les prostituées avec lesquelles tu te souilles. Tu prétends que tu n'as pas la force. Quel que tu dis, quel le sang de Jésus a servi à quoi? Tu craches sur le sang pour vous dire qu'il n'y a pas la force. Mais la force est dans le sang. Amen, amen, amen, amen. Où est-ce que tu mets le sang de l'agneau? Vous allez combien de temps dans ma cache, tu pas dans le cotique, na busa kuna ba kamunyo sa pamba pamba zan ko salar eto ko ti ka makila wa wa mona na zambe abaki sama ni ku so pa ki makila na yapete yo eto ko so makashi ya kubinga na busa tuyo ya force dans les champs makashi na ndaka tina makila wa wa de mer vrai malgré votre incrédulité ko ti ka la ba bela sta lo ataku yo sa ni pas incrédulité que tu déclares malgré la force eto zal na pasa ko ni mena sa ba ka ni sura pa na evangile eto zal ko ni mena sa ni ni na ni sum. Il trouve plaisir. C'est pour toi une blague de jeu. La vie que Dieu t'a donnée. Et la tourne en dérision. On a vaincu. Mais tu seras jugé. Dieu te demandera des comptes. Mon cher ami, Dieu te demandera des comptes. Tu ne resteras jamais impuni. Pour tout ce que tu fais de mal, pour tout ce que tu dis de mal, il y aura un temps et un jugement. Dieu le fera. Pensez-y. Il est temps de montrer notre amour pour le fils unique de Dieu. Je vais lire ici, frère Branham, dans l'exposé de cet âge de l'église, comme c'est beau, et nous aimons ça, l'exposé de cet âge de l'église, à la page 35, c'est la partie sur la révélation, on va prendre ce chapitre 1. Alors, je prends quand même une partie, je saute là le premier Néa, qui répète le verset 7, Apocalypse 1, voici il vient avec des nuées, nous avons commencé. Ah bon, prenons-le quand même, ça l'exposé. Alors, voici il vient avec les nuées, et tout le temps il le fera, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur et roi vient, l'époux en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Il vient. Il vient dans les nuées. Les nuées de gloire. Comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration. Et que ses vêtements resplendissaient tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout le temps il le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Vous entendez encore? Dans l'exposé. Tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas dans l'époque. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ça? Parce qu'il y a une fausse doctrine où les gens ont falsifié la seconde venue, ils sont en train de dire que c'est la nuée qui est apparue en 1933. Et puis ils disent, comme tout le monde a vu la photo, c'est l'écriture qui a dit que tout est le verra. Mais comment vous pouvez être malhonnête à ce point? Où est-ce que vous voulez amener les âmes de Dieu vraiment? Et maintenant, où mettez-vous les tribus de la terre qui doivent se lamenter à cause de lui? Est-ce que les tribus d'Israël se sont lamentées? Est-ce que les tribus d'Israël l'ont vu? Je vous demande pour l'église. En 63 là. Est-ce que les tribus d'Israël l'ont vu là-bas? À la montagne du soleil couchant? Voilà comment on court des mensonges et on cherche des versets bibliques pour dribbler les gens. Et quand vous n'êtes pas fermé, vous voulez s'emporter dans des mensonges comme ça. Qui ont l'apparence d'être biblique, mais qui sont de possédés. De possédés graves. On ne fait que pervertir et pervertir tout. Ici, c'est quand il viendra prendre sa place légitime des gouverneurs du monde. Et c'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et leur doctrine de dénomination seront dans le deuil. Donc les dénominationnels les verront parce qu'ils font partie de tous ceux qui vont voir. Et ce sera après l'enlèvement de l'église. Ils se rendront compte qu'ils sont ratés l'enlèvement et que celui-là qui vient, c'est l'autorité finale. Amen. Voyez? Et même les dénominationnels qui l'ont percé avec leur credo, qui l'ont rejeté, qui ont rejeté le message crucifié Christ pour la seconde fois, ceux-là plairont aussi. Oui. Et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voici ce canon, c'est la révélation. De Zacharie 12, verset 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci. Il y a environ 2500 ans. C'est-à-dire le point d'arrivée. Écoutez. En ces jours-là, on se rappelle bien sûr, en ces jours-là, nous nous rappelons bien sûr de ce qu'il a dit. Le passage a été lu. Nous allons gagner en temps maintenant. Je saute un peu. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Là, c'est Zacharie 12, verset 9. Qu'on n'avait pas lu ici pour aujourd'hui. Et alors, à partir du verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem, ainsi de suite, ce que nous avons lu. Alors, je sors directement au commentaire. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Réponse, une fois l'époque des nations terminée. L'évangile est prêt à retourner au juste. Une fois l'époque des nations terminée. Pas avant. Or si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ces jours même, cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ses deux témoins, ses deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Il y a une chose qui est sur le point d'arriver qui va amener à Apocalypse 11. Il saisira ses deux témoins, les deux prophètes, on a entendu parler de Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations. De même, les gens des nations les ramèneront tout droit aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Or, rappelez-vous ce que nous avons lu dans Apocalypse et dans Zacharie. Ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. Ce que nous avons lu dans l'Apocalypse et dans Zacharie. Les deux choses arriveront quand? Après la tribulation. Est-ce que l'Église entrera dans la tribulation? L'église sera-t-elle enlevée avant ou après la tribulation? Avant la tribulation. Voilà ce qu'il y a. Des autres choses ici, des Zacharie là et tout. Après la tribulation. On est dans la paix là-bas. Donc l'église a déjà été enlevée. Alors ces événements viendront. Jésus-Christ sera élevé et tout ça. Et les tribus de la terre qui vont se lamenter. Il dit, ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. L'église de premier-né ne passe pas par la tribulation. Vous savez cela, la Bible l'enseigne. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. Écoutez, c'est le même esprit qui a été répandu sur les gens de nation à leur époque. Et quand Dieu les répand, les gens pleurent amèrement sur le Christ comme on pleure sur un fils unique. L'esprit de grâce et de supplication. L'esprit de repentance selon Dieu. On pleure amèrement sur Jésus-Christ, le fils unique de Dieu. Il a répandu son sang pour moi. Alors, je le pleurerai. L'as-tu déjà fait dans ta vie? Peut-être que tu es là, tu as compté les années dans les assemblées du message. Mais tu demeures aussi impénitent qu'un catholique qui sort, je ne sais pas quelle jungle. Le cœur est tout aussi impénitent qui n'a jamais pleuré sur le Fils unique de Dieu. Vous pensez que tous ces gens qui commencent à concurrencer Jésus et Branham, ils se sont répandus un jour? Non. Ils ont eu à pleurer sur le Fils unique de Dieu? Non. Ce sont les impénitents. Amen. Pour en arriver là, okay. Il faut n'avoir jamais expérimenté ce Jésus-là. Amen. Amen. Pour commencer à dire Jésus, Branham ou rien. Parmi eux, il y a la semence du serpent. Quelqu'un doit dire amen, comme j'avais vu dans le rêve là-bas. Quand j'ai dit que c'est la semence du serpent, quelqu'un devait dire amen. Oh. Voyez comment on peut prendre conscience. Amen. Si tu as déjà été vu, tu dois te manifester. Il a dit ça. C'est le même esprit qui a été répandu sur les gens des nations à l'époque. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont pressé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddon. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément. Et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément. Et les femmes à part. Et chacune des maisons à part. Quand elle viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Pas au moment de l'enlèvement de Nice. Mais à sa seconde venue. Qui interviendra après l'enlèvement de Nice. Ces juifs qui l'ont percé les verront. Comme il est dit dans un autre passage de l'Écriture, d'où te viennent ces blessures? Et il répondra, de la maison de mes amis. Non seulement ce sera un temps de deuil pour les juifs qui l'ont rejeté comme messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux des gens des nations qui resteront. Qui resteront de quoi? Parce que nous devons comprendre. Quand on dit ceux des gens des nations qui resteront. Qui resteront par rapport à quoi? Maintenant, quand vous prenez ça, vous dites que c'était en 1963. Vous voyez que vous ne comprenez rien du tout. Vous donnez l'impression de connaître le maîtrise de message, mais vous ne connaissez rien. C'est grave. Ah, attends, vous allez me remettre. N'a pas tué ma boîte à ma cotica. Ma cotica à ma cotale et les camorines. Les alliés de ma cotica à ma simana connaître la main. Donc, à l'aide de la monnaie de l'éco salem, simana connaître la main. N'a pas tant que vous ne voulez oh, les camoires, les patins, les alinéas, côté mon concavale, les motos, mon tournant à Missatou et mon Samuel. Vous avez pas tant que vous avez vous en goûté. Et quand on a acquis certains d'entre eux, ils étaient obligés de chercher un faux fouillant encore. Une échappatoire. Vous savez laquelle? D'ailleurs, Jésus est déjà venu. Oui, nous confirmons. D'ailleurs, l'enlèvement aussi a déjà eu lieu, mais il ne reste que la disparition. Tout ça, pour continuer à se débrouiller dans les mensonges. Bonsoir, Pabaluka, et si quand tu me l'as écouté à Bangotango, ma finamaka, pour l'angela Kabangona, ma famille, alors tu t'es, Yesu, c'est la koya, que tu connais cela, et salami, la molide, tu l'as donné les autres goûts. Bon, si l'enlèvement a eu lieu, il reste la disparition. Maintenant, l'enlèvement, c'est quoi? Non, bon, moi, je connais tout le monsieur Salami. Tu vois, tu gagnes comme une. Connais tout le monde, il nous donne. Regardez maintenant comment ils répondent. Déjà, quand je soulève la main comme ça, c'est l'enlèvement. Quand je fais comme ça, chers amis, vous voyez comment on peut devenir littéralement fou. On perd la tête. On commence à affirmer n'importe quoi. Parce qu'on est coincé face à la vérité, on doit chercher maintenant un autre mensonge pour se cacher dans un mensonge. Enoch a été enlevé et il ne fait plus. Amen. Élie a été enlevé et il disparaît. Amen. On a commencé à parler de philosophie. Il reste la disparition. Jésus a été enlevé, une nuée l'a dérobé aux disciples. Les disciples ne le voyaient plus. Il a disparu. C'est ça. Quand Jésus a été enlevé, il pas et il n'y a pas tué. C'est pour ça que nous avons besoin des gens nés de nouveau. Amen. Amen. Mais même Amen. S'ils sont devenus chrétiens, ne leur permettez pas de prêcher avant qu'il y ait une commission. Amen. Amen. Ils doivent avoir été appelés par Dieu pour prêcher l'évangile. Amen. Amen. S'ils vont tout embrouiller et s'embrouiller eux-mêmes, c'est ce que le message dit. Ouais. Et amener les gens à la perdition avec ça. Donc, non seulement ce sera un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux des gens des nations qui resteront. Ceux qui l'auront rejeté en tant que sauveur de notre époque. Parce qu'ils l'ont rejeté en tant que sauveur de notre époque, ils resteront, ils marqueront l'enlèvement. Qui est le sauveur de notre époque? Parce que les esprits des démons, ils sont là derrière les mots. Qui est le sauveur de notre époque? Le sauveur de notre époque. Pas de l'époque là des juifs là. Mais de notre époque, les sauveurs. Mais on parle de qui? De Jésus-Christ le crucifié. Il est l'unique sauveur de tout le temps et du monde entier. Branham a prêché Acte 4, verset 12. Il y a des saluts à aucun autre. À part le nom de Jésus-Christ. C'est le seul nom dans lequel vous avez le salut. Amen. Alors, la seconde venue de Jésus-Christ avec les nuées, aura lieu après l'enlèvement de l'église des nations. Et tout œil le verra. Et toutes les tribus de la terre, y compris les tribus des Israélites, se lamenteront sur lui à ce moment-là. Mais cet événement aura lieu avant le déclenchement de la guerre d'Armageddon. Est-ce que vous retenez encore? Parce que la matière sur l'Armageddon n'est pas encore finie. Ici, nous avons pris juste un point stratégique pour placer une matière et nous avançons. Et ça va vous aider à comprendre la suite. Que Dieu bénisse le serment de ce soir. Amen. Lève-nous pour la prière dans l'amour de Dieu. Cantique croissement numéro 137, il y a force dans le sang. Veille, tu es très affranchi des péchés. La force est dans le sang, force est dans le sang, veux-tu avoir avec toi sur le mal. La force merveilleuse est dans le sang, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang, dans le sang de l'agneau. Il y a force, force merveilleuse, force dans le sang précieux de l'agneau. Veux-tu être sans orgueil? Veux-tu être sans orgueil, sans passion? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Pour être pur, viens au flot du calvaire. La force merveilleuse dans le sang. Il y a force, il y a force. Force merveilleuse, force dans le sang, le sang de l'agneau. Oh, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang, précieux de l'agneau. Veux-tu être blanc plus blanc que la neige? Veux-tu être blanc, plus blanc que la neige? La force est dans le sang, force est dans le sang, l'essuyeur des péchés sans laver. La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang. Amen de l'agneau, amen, il y a force, force merveilleuse, force dans le sang, précieux de l'agneau. Veux-tu servir Jésus-Christ ton roi? La force est dans le sang, la force est dans le sang. Veux-tu vivre et chanter ses louanges? La force merveilleuse est dans le sang. Il y a force, il y a force. Force merveilleuse, force dans le sang, pour amen de l'agneau. Oh, il y a force merveilleuse, force dans le sang, précieux de l'agneau. Prions chacun. quelqu'un brièvement. Éve mes péchés, quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Dieu a porté un agneau pour enlever mes péchés, quand moi j'étais dans ce monde, Jésus-Christ mourut pour moi. Aïe pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Pitié, pitié Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Pitié, pitié Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Jésus, fils de Dieu, enlève de mon corps, oui, tout incrédulité. Aïe pitié de moi, pitié, Jésus, fils de Dieu, enlève de mon corps, tout incrédulité. Je te commets, Bartimée, un aveugle dans ce monde, au vivant seul homme plaisir, je te fais ma égaré, je t'ai comme baptisé, un aveugle dans ce monde, au vivant seul homme plaisir, je te fais ma pécheur, aïe pitié de moi. Pitié, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Pitié, fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Pitié. Et puis c'est tout en l'air, lève de mon cœur, toute incrédulité. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, où vivant selon les credos, j'étais vraiment égaré. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos, je te fais ma égaré. Aïe pitié de moi. Pitié, si c'est Dieu en l'air, lève de mon corps toute incrédulité. Aïe pitié de moi. Adieu, si c'est Dieu en l'air, lève de mon corps toute incrédulité. Mais la lumière apparut au temps des soirs, mes amis. Oh, le Seigneur m'ouvre les yeux, et maintenant je peux voir la colonne de feu, et maintenant je peux voir la nuit de gloire, et maintenant je peux voir la nouvelle naissance, et maintenant je peux voir le baptême du Saint-Esprit. Aïe maintenant je peux voir. Aïe pitié de moi. Pitié Jésus, pitié Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. a été crucifié. Christ est que son lèvre de mon cœur. Tout incrédulité a été crucifié. Jésus, puisque on lève de mon cœur, tout incrédulité, Dieu parfait et bienveillant, Amen. Source de vie éternelle, Amen. Unique sauveur du monde entier, Amen. Jésus-Christ est ton nom. Amen. Nous te remercions ce soir pour ta parole de vérité, un point de vérité que tu as bien voulu placer dans nos cœurs avec des interpellations pour que nous voyions la valeur de ce Saint-Esprit que tu as envoyé aux gens de nation, de ce précieux évangile que le monde n'a fait que diluer, qu'ils ont déprécié, qu'on a mélangé, hybridé, parce que Satan voulait de l'échec. Mais toi, Dieu, tu réussiras jusqu'au bout, car aucun élu ne sera séduit, aucun élu ne sera perdu. Ici, dans les nations, tous ceux qui sont destinés à la vie éternelle entendront l'évangile, croiront et seront sauvés pour l'éternité. Merci pour ton plan merveilleux du retour de Jésus-Christ, la seconde venue de Jésus-Christ avec les nuées. Montre ça à chacun de nous clairement. Fais-le comprendre clairement à chaque frère, chaque soeur, à toute ton église, ici et partout où tes enfants se rattraperont, qu'elle puisse entendre ta parole et se ranger du côté de Jésus-Christ. Rejeter les mensonges, les faussetés, les interprétations erronées, tout ce qui amène à la perdition. Nous voulons les bouter dehors. Par ta grâce, nous pouvons échapper au piège des loisirs. Parce que tu es le bouclier de tes croyants de ta village. 1000 tombent à la droite et 10 000 à notre gauche. Tu as dit que tu ne seras pas atteint. Tu es un abri pour nous, Seigneur. Une autre traître. Un refuge de sécurité. Que ton nom soit béni et adoré pour l'éternité. Exauce nos prières. Réveille nos cœurs. Brise-les en ta présence pour marcher selon ce commandement, que toutes les fausses apparences, les hypocrisies, les trahisons puissent y mettre fin par lui. Ce genre de traîtrise continuelle, on pêche une fois, on pêche deux fois, on pêche trois fois, jusqu'à 10 fois, et on continue sans arrêt, tout en citant le nom Saint de Jésus-Christ dans les prières. Tu as dit, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Amen. Délivre ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, exauce-nous. Au nom de Jésus-Christ, sauve-nous, Seigneur. Sauve chacun, mon Dieu. Donne la véritable expérience du salut. La véritable expérience de repentance, selon Dieu. Où le cœur pleure amèrement. Tu ne parles pas des fantaisies. Ta parole parle de réalité. Des expériences vraies. Les gens pleureront amèrement. Mais maintenant, ce Saint-Esprit, c'est le même qui est donné aux nations actuellement. Ne nous laisse pas abuser de cela. Gaspiller notre temps. Rater notre occasion. Laisse-nous en profiter à plein esprit. Expérimenter les choses de Dieu correctement. Être de vrais témoins et de vrais croyants. Exauce-nous au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse.